break me down. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Barbarin, dont nous allons parler avec notre invitée Isabelle de Gaulmin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de l'hebdo du quotidien La Croix, on va dire ça comme ça. Vaticaniste, vous avez écrit Histoire d'un silence, publié en 2015. Livre où vous décryptez l'affaire Prena, une affaire que vous avez côtoyée de près, puisque vous avez fait partie vous-même, quand vous étiez enfant, du groupe Saint-Luc. D'affaires, parlons-en justement. Donc on parle de l'affaire Prena, mais peut-on dire aujourd'hui, en 2020, 5 ans après les premières révélations médiatiques, qu'il existe une affaire Barbarin, qui vient de publier un livre d'ailleurs, intitulé « En mon âme et conscience ». Oui, il existe une affaire Barbarin, parce qu'il y a eu un procès Barbarin, donc il existe bien une affaire Barbarin, qui effectivement, c'est alors lui, il dit que ça s'est substitué, en tout cas, ça s'est mis un peu au-dessus de l'affaire Prena, et c'est effectivement, pour beaucoup de gens, l'affaire Prena est devenue l'affaire Barbarin. Et de fait, pour lui, il l'a vécu assez injustement, parce que, évidemment, le cardinal Barbarin n'est pas pédophile, c'est pas lui l'accusé dans cette histoire. Il est accusé d'avoir couvert, de ne pas avoir parlé, d'avoir rien dit. C'est le fameux silence, on vient de l'église et on y reviendra. Alors, vous avez été donc scout dans le groupe Saint-Luc, vous connaissez bien le milieu catholique lyonnais. Dans votre ouvrage, vous confiez avoir alerté Philippe Barbarin du comportement pédocriminel de Bernard Prena en 2005. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Alors, on n'est pas d'accord sur la date. Lui dit 2007, moi je dis 2005. Donc moi j'ai repris 2005. En 2007, j'étais à Rome, donc je ne vois pas comment j'aurais pu le voir. Mais donc, on a parlé de la pédophilie des prêtres, et moi je lui ai dit, mais vous savez, on parle de choses autour du père Prena, tout simplement parce que un vieux curé, le curé de Sainte-Foy-lès-Lyon, un de ceux qui a succédé finalement à Prena à Sainte-Foy-lès-Lyon, m'avait dit, mais Isabelle, ce type est un salaud, Prena est un salaud, c'est incroyable ce que j'ai entendu en confession. Alors, lui-même n'a pas eu le courage, d'ailleurs il est décédé depuis, mais quelque part il a pas eu non plus le courage de saisir la justice. Mais il m'avait dit ça, et je me suis toujours dit qu'il me l'avait dit parce qu'il savait que de temps en temps je voyais Barbarin. Donc, moi je dis à Barbarin, mais c'est vrai que je le dis comme on disait les choses en 2005, enfin, là je m'excuse, ça peut peut-être paraître dur, mais c'est vrai que je suis pas à l'époque en train de me dire il faut absolument dénoncer, il faut voir la justice, etc. Je lui dis parce que je me dis, bon ben voilà, il est archevêque de Lyon, à lui de faire le ménage. Alors, concernant vos souvenirs, qu'est-ce qui vous revient en tête de cette époque où vous étiez donc dans ce groupe de scouts? Qu'est-ce que vous en gardez? Des blessures, des traumatismes? Ah non, moi je suis vraiment pas victime. Non, ce qui est terrible, c'est que jusqu'en 2014, 2015, moi je disais, parmi mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'était le scoutisme. Mais oui. Donc c'était un très beau souvenir. Mes trois frères, ils sont aussi allés. Donc on c'est quelque chose où on est tous allés. Tout le quartier y allait. Hein. C'était vraiment un truc assez de masse. Et en fait, moi, je me souviens effectivement d'un père Bernard, parce que je l'appelle comme ça encore. Un père Bernard très, très dur et très froid, ce que vous avez bien dit dans le reportage. Et se fichant complètement des filles. Donc nous, les filles, on était très tranquilles. Oui, on l'a dit aussi, effectivement. Il était, et je pense qu'il avait fait une mixité pour évacuer le soupçon. C'est quand même un sacré manipulateur. Mais c'est vrai que on disait des choses. Alors c'est très compliqué quand on est petit de savoir ce qu'on disait. Mais quand le vieux prêtre m'en a parlé en 2004-2005, ça ne m'a pas étonné. Je me suis dit oui. Et je me souviens de mon père disant à un moment, c'est quand même bizarre ces soirées diapo, les photos sont ambiguës. Voilà, donc moi j'étais pas surprise, mes frères non plus, même s'ils ont pas du tout été victimes. Mais c'est vrai que c'est très bizarre ce souvenir, parce que on sait, moi je dis oui, effectivement, il y avait des choses, comme enfant on l'a senti. Mais pas plus que ça, en fait. On n'a rien vu. Et c'est après, quand on dit, ah oui, ça c'est vrai. Oui, effectivement, le père Bernard, il tripotait. C'est ce qu'on me disait à l'époque. Il tripotait. C'est terrible, hein. Mais le fait de le dire entre vous, ça n'a pas laissé de traumatisme, enfin. Non, franchement. En plus, de fait, il s'y fichait un peu des filles, donc. C'était plutôt tranquille. Non, ce qui est après traumatisant, c'est de découvrir, à partir de 2015, l'ampleur des dégâts et parce que c'est quand même industriel trois à quatre gamins par année violés pendant 20 ans, enfin c'est un truc énorme et que un certain nombre de gens, je les connaissais, c'est-à-dire que moi je suis passée, je crois bien que c'est à France Inter sur cette histoire-là, sans dire que j'étais une ancienne du groupe Saint-Luc. Mm-hmm. Je l'avais dit à la personne qui animait en disant écoutez, j'internais comme journaliste connaissant bien l'église et après Un des meilleurs copains de mon frère m'appelle et en pleurant il me dit Isabelle, je suis une victime. Et là je me suis dit ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Vous êtes journaliste, donc comment vous avez réussi à prendre une distance par rapport au fait que vous traitez? C'est compliqué parce que vous avez fait partie de ces scouts. Je rappelle, vous n'avez pas été victime. Mmh. Vous avez fait partie de cet environnement-là. La distance qui est peut-être la plus difficile, c'est comme catholique en fait. Oui. C'est-à-dire que. D'ailleurs, c'est la souffrance des catholiques souvent de découvrir tout ça. C'est une distance. Bon, en plus, La Croix est un journal catholique. Donc, c'est d'avoir ce regard sur l'institution, un regard objectif, un regard journalistique. Et ça, de fait, d'ailleurs, le cardinal Barbarin, dans le livre qui vient de sortir, nous le reproche. Il dit notamment la presse catholique n'a rien fait pour m'aider, etc. Et on est visé là. Je sais qu'il nous en veut beaucoup. C'est plutôt ça qui est compliqué. C'est cette distance-là qu'on a pris. Après, la distance compliquée aussi, mais que connaissent tous les journalistes. De faits divers. C'est quand moi j'ai été interviewée un certain nombre de victimes pour faire mon livre. Et en plus je savais très bien où ça se passait. Un certain nombre de victimes, je les connaissais quand ils étaient petits, donc c'était assez douloureux. Et quand ils racontent ce qui se passe, Là, c'est vraiment très dur, quoi. C'est très dur parce que vous le vivez avec eux, vous mesurez le traumatisme qu'ils ont. Quand vous êtes mère de famille, ce qui est mon cas, vous imaginez ce que ça peut faire sur des gamins. C'est pour ça que moi, ce que j'ai toujours dit à tous les gens qui doivent gérer ce genre de choses, il faut qu'ils écoutent les victimes parce que quand on écoute les victimes, on n'est plus le même après. Moi, c'est ça qui a complètement changé mon regard, c'est de les écouter, me décrire ce qu'on leur a fait. L'époque et le chemin de souffrance de 20-30 années de silence et ce qu'ils ont enduré. La parole libérée. Et moi, on n'a pas toujours été d'accord, notamment par rapport au cardinal Barbarin, sur lequel il était beaucoup plus agressif que moi. Mais moi, je pense que j'ai beaucoup admiré le courage de ces hommes. C'est la première fois que des victimes hommes ont pris la parole comme ça, de manière publique. Pas le visage caché. Avant, ils témoignaient toujours le visage caché, les victimes de pédophilie. Comme s'ils étaient responsables. Comme s'ils étaient responsables. En disant, ben voilà, moi je suis père de famille, j'ai un boulot à la banque, je suis médecin, etc. Et j'ai été violée par Prénat, dans les années 70, 80, 90. Donc, c'est ce courage-là, cette parole-là, qui fait qu'effectivement, d'un seul coup, à leur standard, il y a une avalanche d'autres témoignages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, si eux ils ont ce courage-là, moi aussi je l'ai. Ouais, c'est vraiment ce qu'on appelle la parole libérée. Et on va écouter l'un des fondateurs de cette parole libérée, François Deveau, qui a répondu aux questions de Constance Villanova. On va en cassation et à mon sens le débat n'est pas aussi simple que ce que veut bien nous faire croire le ministère public qui s'est largement défaussé dans l'éventualité d'un recours en cassation. Donc on ira sans le ministère public et ça c'est lourd de conséquences dans le procès en cassation qui s'annonce. Mais effectivement, si en tout cas ça n'est pas condamnable, sur un plan moral, ça pose beaucoup de questions, et ça pose beaucoup de questions à beaucoup de monde. Pas beaucoup à lui, mais à beaucoup d'autres gens. Et tout le monde est un petit peu abasourdi de son argumentation, et ce qu'il dit encore dans ce livre, sa vérité, comme il l'explique, ça ne vient pas répondre à l'absence de discernement pour un homme qui est supposé en avoir plus que les autres, en tout cas plus pour guider des âmes, pour être directeur de conscience. L'âme et la conscience de cet homme-là, j'ai cherché pendant 5 ans, j'ai cherché avant la parole libérée, j'ai cherché pendant la parole libérée, j'ai cherché pendant le procès, et je n'ai pas trouvé. Il m'a semblé percevoir celle de Bernard Prénat, celle de Philippe Barbarin, Vraiment, je n'ai pas trouvé. Et je le dis très simplement, quand on a démontré qu'on n'était pas capable de comprendre que un enfant agressé sexuellement, ça déclenche des traumatismes, alors qu'on a soi-même travaillé sur ces questions-là et qu'on fait partie d'une institution qui, depuis les années 2001, prétend faire ce qu'il faut sur ces questions-là, il faut faire un autre métier. Cette question de reversement des droits d'auteur de son livre aux victimes, c'est une question qui a été posée par une victime elle-même en direct à la radio. Et voilà, si c'est très important pour la victime qui a formulé cette demande, bah, tant mieux pour elle. Mais on est sur des choses qui sont un peu plus graves et un peu plus prégnantes et qui ont un héritage sociétal beaucoup plus lourd que ça. Et il faut réfléchir aux choses, voilà, avec une certaine expertise, une certaine hauteur de vue et avec des vraies solutions. Ça n'en est pas une. On est dans l'ordre du symbolique. On ne répondra pas à une problématique systémique aussi importante que celle-ci au sein d'institutions catholiques avec des réponses aussi courtes. Question systémique. Je rappelle que le 30 janvier 2020, Barbarin était relaxé en appel à cour d'appel de Lyon, a considéré qu'il y avait bien une connaissance précise du comportement de Prénat, mais que le délit de non-dénonciation étant prescrit, ça a donné cette décision de justice. Les plaignants vont en cassation. Bon, Barbarin s'en tire bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, je crois que juridiquement, c'était compliqué parce que, effectivement, c'est des faits anciens. Donc il y a prescription, hein, c'est beaucoup caché derrière. Et puis ce qu'a dit aussi en appel le tribunal, c'est qu'était-il obligé de dénoncer pour des faits dont les victimes étaient aujourd'hui majeures et en capacité de faire aussi cet acte de dénonciation. Voilà. De fait, si on l'avait condamné, ça aurait peut-être eu des conséquences un peu en cascade sur beaucoup beaucoup d'autres responsables. Après, là où François Devaux a raison, c'est vrai que le problème du cardinal Barbarin, parce qu'il dit toujours mais d'autres savaient, etc. Oui, mais lui, il était responsable. Un évêque, c'est quelqu'un qui est responsable des prêtres. C'est l'autorité hiérarchique, c'est le patron. Et de ce point de vue-là, effectivement, il n'a pas fait son job. D'ailleurs, il a dit hein, qu'il s'était trompé, mais il l'a vu une première fois en 2002-2003, il s'avait débrouillé. Moi, je lui ai dit, d'autres gens lui en ont parlé, il a dit ça au commissariat, donc en déposition. Il s'est dit, oh là là, les histoires de pédophilie reviennent par l'Irlande, je vais bouger Prénat, donc il a bougé Prénat. Il avait cette conviction, qui apparemment est une bonne conviction, que Prénat n'avait jamais recommencé. Oui, mais même quand les crimes sont vus, même quand on n'a pas recommencé, le crime reste, et il est important d'énoncer les gens pour arrêter que les souffrances continuent à perdurer chez les victimes, même si c'est prescrit. Isabelle de Golemin, on se retrouve dans 4 minutes après avoir écouté Ozier, Take Me to Church. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give. Isabelle de Goldman, il nous reste peu de temps. Parlons de Philippe Barbarin. Dans son livre, c'est la première personne, hein, je. Et on peut se demander si finalement, à la lumière de cette affaire, il était complètement à la hauteur de sa fonction, parce qu'un évêque, un cardinal, c'est le patron. Normalement, il doit être responsable et œuvrer pour que les dysfonctionnements arrêtent de dysfonctionner. Oui, ça. La question, c'est est-ce que ça aurait de toute façon pris ce tour-là ou pas? Je pense qu'il y a, deux sujets. Il y a effectivement, comme patron, il a sans doute pas pris les choses de manière collective. Il a beaucoup géré en solo, alors que, vu l'ampleur des choses, il aurait dû tout de suite, se constituer un bureau et puis ne pas être finalement au premier plan, parce que c'est retourné contre lui. Il a géré les choses de manière assez affective, assez personnel. Et puis deuxièmement, c'est à mon avis, pour moi, c'est peut-être le plus grave, c'est qu'il a tout de suite mis les victimes en dehors. C'est-à-dire que les victimes étaient prêtes au début à agir avec lui contre Prénat. Ce que d'autres évêques ont fait, hein, par exemple à Blois, il y a eu des évêques sur des affaires comme ça, ils se sont mis du côté des victimes. Les victimes, elles sont baptisées, catholiques, chrétiennes, alors toutes ne pratiquent pas aujourd'hui, mais elles font partie de l'Église. Et lui, il a tout de suite considéré qu'il fallait être contre les victimes. Il a donc bâti un système de défense contre elles. Et on a assisté à une bataille rangée. Ça a beaucoup énervé l'association de la Parole Libérée. Et les choses sont allées de pire en pire. Alors que, effectivement, moi, je pense que finalement, Barbarin, il aurait dû être du côté des victimes et pas du côté du père Prénat. Erreur de stratégie en deux secondes, que fait-il maintenant, on le sait ? Ah ben maintenant, il est retiré, il prêche à des futurs prêtres, des séminaristes, etc. C'est un très très bon prêcheur, hein, le cardinal Barbarin. C'est quelqu'un, quand il parle de Dieu, de la Bible, etc., il est passionnant. Merci infiniment, Isabelle de Goldman. Au revoir. Si vous voulez aller plus loin sur cette thématique, deux livres éclairants viennent de sortir, qu'on doit à deux de nos consoeurs, Sophie Deschamps pour Le silence des soutanes chez Regain de Lecture, qui aborde une affaire tout à fait parallèle et cousine de celle que nous venons de raconter. Le 30 octobre 2018, pour la première fois en France, un prêtre, Pierre de Castellet, et un évêque, André Faure, sont jugés à Orléans, le premier pour pédocriminalité, le second pour non-dénonciation, ce qui s'est soldé par 2 ans de prison ferme pour le curé et 8 mois avec sursis pour l'évêque. À lire également Cartège, religieuse abusée, le grand silence, écrit par notre collaboratrice ici chez Affaires Sensibles, Constance Villanova. Constance a enquêté sur les religieuses, victimes elles aussi de violences sexuelles. Une enquête qui nous emmène de l'Inde jusqu'au Vatican, passant par l'Argentine et la France. Ce livre très éclairant. Voilà, c'était Affaires Sensibles aujourd'hui. L'affaire Barbarin donc, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, Pauline Laverdure.